La belle histoire de Piou-Piou. Écoutez la belle histoire de Piou-Piou. Sur le toit, il y avait un nid. Dans le nid, il y avait un œuf. Un grand coup de vent d'automne fit tomber le nid dans la rue. L'œuf roule et se brise, laissant là, sur le sol, un petit oisillon tout nu. Claude est sur le seuil de sa maison, voit et entend l'oisillon qui piaille faiblement. Claude le prend doucement dans sa grande main, le dépose et le pose dans un petit carton. Lui fait un nid douillet de mousse douce, de brindilles et d'ouate. Claude l'appellera Piou-Piou. Tous les jours, Piou-Piou se désaltère et se repose. Les jours passent, Piou-Piou se nourrit et grandit. Un léger duvet, des petites plumes apparaissent. Un jour, Claude pose son doigt près de Piou-Piou. Piou-Piou se redresse sur ses petites pattes et grimpe sur le doigt, puis sur le bras, sur l'épaule, se niche et se réfugie dans le creux du cou. Depuis, Claude et Piou-Piou sont inséparables. Claude laisse sa fenêtre ouverte vers le ciel et vers la liberté. Un jour, peut-être, Piou-Piou s'envolera vers d'autres cieux, vers ses amis les oiseaux. Cette historiette n'est pas finie. À toi d'imaginer la suite.